Okay, yesterday we started to talk about the first noble truth. We will continue that today and also talk about the second noble truth, which is the origin of suffering. Hier, nous avons commencé à parler de la première noble vérité. Nous allons poursuivre cet enseignement aujourd'hui et nous allons y inclure la seconde noble vérité qui est l'origine de la souffrance. Do you know four noble truths? In Bali, Dukkha Sajja, Samudaya Sajja, Nirodha Sajja, Magga Sajja. Est-ce que vous connaissez les quatre nobles vérités en Pali? Please say. Dukkha Sajja, Dukkha Sajja, Samudaya Sajja, Samudaya Sajja, Nirodha Sajja, Nirodha Sajja, Magga Sajja, Magga Sajja. Dukkha Sajja means the noble truth of suffering. Samudaya Sajja is the origin of suffering, the cause of suffering. Nirodha Sajja is cessation of suffering. Magga Sajja is the way to cessation of suffering. Donc Dukkha Sajja, c'est la noble vérité de la souffrance. Samudaya Sajja, la noble vérité de l'origine de la souffrance. Nirodha Sajja, la noble vérité de la cessation de la souffrance. Et Magga Sajja, la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Lorsqu'on parle de la noble vérité de la souffrance, ceci ne concerne que les êtres vivants. Nous devons faire très attention à cela. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, que cette maison est souffrance, que cette maison appartient à la première noble vérité. Nous ne pouvons pas dire que cette montagne appartient à la première noble vérité, que ces arbres appartiennent à la première noble vérité. Tout simplement parce que la première noble vérité ne concerne que les êtres vivants. Les montagnes, les maisons et tous les autres objets ont effectivement un début et une fin. Les montagnes débutent et elles vont finalement disparaître. Il y a chaque fois un début et une fin, donc ces choses sont impermanentes. Mais même si elles sont impermanentes, on ne peut pas parler ici de dukkha. Parce que cette première noble vérité de dukkha ne concerne que les êtres vivants. Si nous ne voulons pas comprendre ceci et que nous considérons que ces choses extérieures sont bel et bien dukkha, lorsqu'on parlera de la deuxième noble vérité, c'est-à-dire la cause de la souffrance, nous serons amenés à dire que les montagnes sont causées par l'attachement, que les arbres sont causés par l'attachement, etc. Lorsqu'on parle des quatre nobles vérités, et tout particulièrement de cette première noble vérité, cela ne concerne que les êtres vivants. L'expression « les cinq agrégats d'attachement » se retrouve un petit peu partout dans les livres sur le bouddhisme. Il y a donc les agrégats et il y a l'attachement, la saisie. Le Bouddha a parlé des cinq agrégats. Et tout dans l'univers est compris dans ces cinq agrégats. Le premier agrégat, c'est l'agrégat de la matière, les propriétés matérielles des êtres vivants, de même que les propriétés matérielles des choses à l'extérieur. On appelle donc ce premier agrégat l'agrégat de la matière ou la corporéité. Le second agrégat, c'est l'agrégat des sensations. Elles sont plaisante, déplaisante ou neutre. C'est l'agrégat des sensations. Vient ensuite l'agrégat de la perception. Lorsqu'on expérimente un objet, il y a une espèce d'enregistrement de cet objet qui se fait dans l'esprit. Ce n'est pas prendre note comme on le fait lorsqu'on médite. C'est prendre note de cet objet, l'enregistrer de façon à pouvoir le reconnaître si on l'expérimente à nouveau. Cet enregistrement de l'objet est la perception. Il s'agit donc ici de l'agrégat de la perception. Le troisième agrégat, c'est l'agrégat des formations mentales. Qu'entend-on par formation mentale? En pali, on utilise l'expression Sankara Kanda. La volition est un facteur mental qui est une formation mentale. La volition, l'effort sont des formations mentales. L'attention est une formation mentale. La sagesse est une formation mentale. L'avidité est une formation mentale. La colère est une formation mentale. Il y a donc beaucoup de formations mentales. En fait, il y a 50 facteurs mentaux que l'on appelle les formations mentales. En pali, on parle des Sankara Kanda. Le mot Sankara veut dire faire, confectionner. Dans ce contexte, il indique une espèce de volonté, de désir, une espèce de conditionnement qui consiste à maintenir quelque chose en place. Si vous portez un poids, une charge sur la tête, par exemple, vous devez réussir à maintenir cette charge sur votre tête et elle va devenir de plus en plus lourde. De la même façon, nous avons le corps physique et nous avons les formations mentales. Il y a en fait une espèce de volonté perpétuellement présente en nous qui vise à maintenir ces facteurs mentaux ou ces états mentaux. Nous n'en sommes pas conscients. Nous ne savons pas que ces formations mentales sont là, mais il y a cependant cette espèce d'activité mentale, cette espèce de volonté de les maintenir en place, de maintenir en place cette construction mentale. C'est ce que l'on appelle Sankara Kanda, les formations mentales. Le dernier agrégat, c'est l'agrégat de la conscience de l'objet. Les trois agrégats qui précèdent ce dernier se manifestent toujours avec ce dernier, avec la conscience. Ces quatre agrégats constituent donc l'esprit Nama. Le premier agrégat constitue Rupa, la matière. Donc, les cinq agrégats peuvent se résumer en deux choses, l'esprit et la matière. La matière concerne le premier agrégat et l'esprit concerne les quatre agrégats suivants, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. La plupart du temps, ces cinq agrégats feront l'objet de l'attachement. Ce sont les agrégats d'attachement. Et qu'est-ce qui va provoquer l'attachement à ces agrégats? Il y a deux choses qui vont provoquer l'attachement ou la saisie. La première, c'est le désir avide. Lorsque nous voyons quelque chose, il est possible que nous aimions cette chose. Nous allons alors nous y attacher, la désirer, avoir de l'avidité pour cette chose. Nous croyons aussi que cette chose est permanente. Nous pensons que c'est agréable de la posséder, qu'elle existe vraiment. Ce sont les vues fausses, et donc à cause de ces vues fausses, nous allons nous attacher à ces choses. Il y a donc deux sortes de saisie, d'attachement, la saisie par le désir avide et la saisie par les vues fausses. Tout ce qui fait l'objet de la saisie, de l'attachement ou de la vue fausse est appelé objet d'attachement. Ces cinq agrégats, l'agrégat de la matière, de même que les agrégats mentaux, sont tous des objets d'attachement ou des objets de vue fausse. On les appelle donc les agrégats d'attachement. Agrégat d'attachement veut dire agrégat auquel on est attaché, que l'on saisit. Dans le monde, il n'y a rien qui ne soit objet d'attachement. Nous pouvons nous attacher à tout, que ce soit par le désir avide ou par la vue fausse. C'est ce que l'on appelle les cinq agrégats d'attachement. Mais il y a cependant certains agrégats qui ne sont pas des objets d'attachement. Ce sont les types de conscience qui appartiennent au plan supramondain. Mis à part ces consciences-là, rien dans le monde n'échappe à l'attachement. L'expression agrégat d'attachement est une expression théorique, livresque. Qu'en est-il dans la pratique? Êtes-vous capable de reconnaître ces cinq agrégats lorsque vous pratiquez? Oui, c'est très facile. Prenons l'exemple de la vision. Lorsque vous voyez quelque chose, votre œil appartient à l'agrégat de la matière. Il y a aussi la conscience visuelle. Cette conscience visuelle, cette attention à l'objet, est l'agrégat de la conscience, le dernier. Lorsque vous voyez quelque chose, vous ressentez une espèce de sensation. Elle sera peut-être agréable, peut-être désagréable, peut-être neutre. Donc, l'agrégat des sensations est présent. Que vous soyez conscient ou non de cette vision, vous en prenez note. Le fait d'en prendre note, de l'enregistrer, c'est l'agrégat de la perception. Il vient ensuite la volition, le désir de voir, le fait de maintenir votre esprit sur l'objet. Il y aura peut-être attachement, il y aura peut-être attention. Donc, voilà comment les cinq agrégats, et ceci c'est l'agrégat de la formation mentale. Donc, les cinq agrégats sont présents lorsque vous voyez, lorsque vous entendez, lorsque vous sentez, lorsque vous goûtez, lorsque vous touchez ou lorsque vous pensez à quelque chose. Les cinq agrégats d'attachement sont toujours là. Lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, ce sont ces cinq agrégats d'attachement que l'on va observer. Si on devait vous demander « Que faites-vous lorsque vous pratiquez Vipassana ?» vous devriez répondre que vous observez les cinq agrégats d'attachement. Les cinq agrégats d'attachement sont les objets d'attention lorsqu'on pratique Vipassana. Comme tout appartient aux cinq agrégats d'attachement, que tout est inclus dans les cinq agrégats d'attachement, on peut dire que lorsqu'on pratique Vipassana, tout ce que l'on expérimente devient objet d'attention. C'est pourquoi, lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana, vous devez être attentif à tout ce qui se manifeste de façon prédominante à chaque instant. Parfois, vous entendrez un bruit. Parfois, vous observerez le souffle. Parfois, c'est une douleur dans le corps que vous observerez. Parfois, vous aurez une vision. Parfois, il y aura une émotion ou des pensées. Donc, dans la méditation Vipassana, tout devient objet d'attention. Le méditant Vipassana observe les cinq agrégats d'attachement. Le Bouddha nous dit à ce sujet, en bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. L'univers tout entier, l'univers des êtres vivants, est une masse de souffrance. Je vais poursuivre maintenant avec la deuxième noble vérité. La deuxième noble vérité, c'est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Pourquoi y a-t-il souffrance? Pourquoi y a-t-il tous ces êtres? Pourquoi y a-t-il la renaissance? Pourquoi y a-t-il le vieillissement? Etc. Cette seconde noble vérité est décrite ainsi dans les textes. Il y a cette soif, cette faim, cette avidité qui provoque les renaissances, qui recherche constamment de nouveaux plaisirs, de nouveaux attachements, de nouvelles gratifications, par-ci, par-là. Quelle est cette avidité, ce désir? C'est le désir pour les objets des sens, le désir associé à la vue éternaliste et le désir associé à la vue nihiliste. Le Bouddha nous dit que la seconde noble vérité, la cause de la souffrance, l'origine de la souffrance, c'est la soif que l'on appelle tana en pali. La soif ici veut dire l'avidité, l'attachement. L'avidité est la cause de dukkha, la cause de la souffrance. Le Bouddha décrit l'avidité comme étant ce qui provoque les nouvelles naissances, les renaissances, ce qui provoque la cause des renaissances. Tant que l'avidité sera présente, il y aura renaissance. Cette deuxième noble vérité n'est pas facile à voir. En fait, nous ne voyons pas que l'avidité est la cause des renaissances. C'est parce que nous ne possédons pas la connaissance que possède le Bouddha. Nous tenons pour vrai ce que le Bouddha nous dit, que l'avidité est la cause de la souffrance, que c'est l'avidité qui provoque les renaissances. Mais nous n'avons pas la possibilité de vérifier cela par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes que l'avidité provoque les renaissances. Nous n'avons donc pas de preuve indéniable. Mais il y a cependant moyen d'accepter l'idée des renaissances. De temps à autre, nous rencontrons des personnes qui sont des prodiges. Par exemple, un enfant de 4 ans peut parfois être capable de jouer une musique très sophistiquée. Cet enfant n'a reçu aucune leçon de musique au cours de sa vie. Et si donc nous devons expliquer ceci, nous ne pouvons le faire qu'en faisant référence à une vie antérieure. Car rien ne permet de penser qu'il aurait appris à jouer de la musique dans cette vie-ci. Nous devons donc forcément penser aux vies antérieures. Il a peut-être développé un grand talent dans sa vie, la vie qui précède celle-ci, et ce grand talent, cette habileté, il l'a retrouvé dans cette vie présente. Il y a également des personnes qui peuvent rivaliser avec les calculatrices. Ils peuvent résoudre les problèmes mathématiques très facilement. Et ceci, cette capacité, il n'est pas possible qu'il l'ait développée en une seule vie. Il doit forcément s'être passé quelque chose dans une vie antérieure. Dans cette vie antérieure, ils ont probablement développé cette capacité, soit à jouer de la musique, soit à calculer. C'est de cette façon que nous pouvons supposer qu'il n'y a pas qu'une seule vie. Il doit y avoir eu des vies dans le passé. Et s'il y a eu des vies dans le passé, que cette vie présente existe, il doit forcément y avoir aussi des vies dans le futur. De cette façon, nous pouvons supposer qu'il n'y a pas qu'une seule vie. Il doit y avoir eu des vies dans le passé et il doit y avoir des vies futures. Il y a également les personnes qui se souviennent de leurs vies antérieures. En Asie, ces choses sont acceptées. Ici, en Occident, il y a de plus en plus de personnes qui racontent des expériences de leurs vies antérieures. Ces personnes sont de plus en plus acceptées ici en Occident, mais ils doivent cependant être très prudents lorsqu'ils parlent de cela publiquement. Nous acceptons donc que la vie est souffrance et que cette souffrance est causée par le désir, par l'avidité. Il y a 3 sortes de désirs. La première sorte de désir concerne les objets des sens. C'est le désir pour les objets que nous expérimentons dans le monde. Ce désir peut produire des résultats dans le futur. Lorsqu'une personne approche de la mort, il est possible qu'un karma qu'elle a fait dans le passé se manifeste sous forme dans son esprit, ou bien un instrument qu'elle a utilisé pour faire ce karma, ou encore le signe de sa prochaine existence. Ces 3 choses sont donc susceptibles d'apparaître dans son esprit. Si c'est le cas, cette personne va saisir ces objets. Lorsqu'il y a saisie, il y a désir, avidité. Donc cette personne meurt avec ce désir dans son esprit. En conséquence de ce désir, la renaissance se produit. Il y a une conscience résultante qui se manifeste et qui appartient à la vie suivante, à la nouvelle vie. Donc, lorsqu'il y a désir, il y a renaissance. C'est la première forme de désir, le désir pour les objets des sens. La deuxième sorte de désir, c'est le désir accompagné par la vue éternaliste. Il y a des personnes qui croient qu'il y a quelque chose comme une âme à l'intérieur d'eux, une entité permanente. Même si leur corps sera désintégré au moment de la mort, cette âme est permanente et elle va transmigrer dans un autre corps, tout comme l'oiseau qui passe d'un arbre à l'autre. Ce désir, qui s'accompagne donc de cette espèce de croyance, est appelé le désir accompagné par la vue éternaliste. C'est la deuxième sorte de désir. Il y a des personnes qui croient qu'il n'y aura pas de vie après celle-ci. Il n'y a donc pas de vie passée, il n'y a pas de vie future. Il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie présente. À la fin de cette vie présente, tout sera annihilé. Rien ne va rester de cette vie présente. Il n'y aura pas de renaissance ou quoi que ce soit d'autre. Le désir qui s'accompagne de cette vue est appelé le désir accompagné par la vue nihiliste. C'est la troisième sorte de désir. Ce désir va également provoquer la renaissance. Même si ces personnes ne croient pas en la vie future, même s'ils ne croient qu'en la vie présente, ils sont très attachés à cette vie présente. Ils sont très attachés à tous les objets qu'ils rencontrent dans cette vie présente. Ils aiment se complaire dans les plaisirs sensuels tant qu'ils peuvent. Ils ont un très fort désir, un très fort attachement pour les objets qui se manifestent dans cette vie. Ce fort désir sera certainement la cause pour une renaissance, qu'ils croient en la renaissance ou non, qu'ils la veuillent ou non. Donc, toutes les formes de désir, que ce soit le désir pour les objets des sens, le désir accompagné par la vue fausse en l'éternité, l'éternalisme, le désir accompagné par la vue nihiliste, ces trois sortes de désirs vont provoquer des renaissances dans le futur. Le Bouddha nous dit que c'est le désir qui donne lieu aux renaissances. Ce désir est dit l'origine ou la cause de la souffrance. C'est la seconde noble vérité. Nous avons donc vu les deux nobles vérités, les deux premières nobles vérités. La première noble vérité, c'est la noble vérité de la souffrance. La seconde, c'est la noble vérité de la cause de la souffrance, qui est le désir, c'est-à-dire la soif, l'attachement. En fait, lorsqu'on dit que le désir est la seconde noble vérité, l'ignorance est présente également. Car sans ignorance, il ne pourrait pas y avoir désir. Nous sommes ignorants de la véritable nature des choses et donc nous avons tendance à nous attacher à ces choses ou aux personnes. Mais s'il n'y avait pas l'ignorance et si nous devions voir les choses comme elles sont réellement, nous ne nous y attacherions pas. Lorsqu'on dit que la deuxième noble vérité, c'est le désir, on veut dire le désir associé à l'ignorance ou à l'illusion. Le désir et l'ignorance sont ce qui cause la ronde des renaissances. By paying attention to the talk on the novel truth of suffering and to the novel truth on the origin of suffering, may we able to understand the first novel truth and be able to abandon the second noble truth, and so make an end of suffering. Pour avoir écouté attentivement l'enseignement qui portait sur la noble vérité de la souffrance et sur la noble vérité de l'origine de la souffrance, puissions-nous tous être capables de comprendre cette première noble vérité et d'abandonner la seconde noble vérité, mettant ainsi fin à la souffrance.